Dès le début, la conversation bifurquait. Pierre sentit qu'elle déviait de son livre, mais il se rappela la promesse formelle qu'il avait faite au vicomte s'il voyait le pape, et si l'occasion se présentait, de tenter un effort afin d'obtenir une parole décisive au sujet de la fameuse question de savoir si les corporations devaient être libres ou obligatoires, ouvertes ou fermées. Depuis qu'il était à Rome, il avait reçu lettre sur lettre du malheureux vicomte, cloué à Paris par la goutte, pendant que son rival, le baron, profitait de l'admirable occasion du pèlerinage, dont il était le chef, pour tâcher d'arracher au pape le simple mot approbatif, qu'il aurait rapporté triomphalement. Et le prêtre tint à remplir sa promesse avec conscience. « Votre sainteté sait mieux que nous tous où est la sagesse. Monsieur de Fouras croit que le salut, la solution de la question ouvrière, se trouve simplement dans le rétablissement des anciennes corporations libres, tandis que monsieur de La Choux les veut obligatoires, protégées par l'État, soumises à des règles nouvelles. Et certainement, cette dernière conception est davantage avec les idées sociales d'aujourd'hui. Si votre sainteté daignait se prononcer dans ce sens, le jeune parti catholique en France saurait en tirer sûrement le plus beau résultat. Tout un mouvement ouvrier à la gloire de l'Église. » Léon XIII répondit de son air tranquille. « Mais je ne peux pas. On me demande toujours de France des choses que je ne peux pas, que je ne veux pas faire. Ce que je vous permets de dire de ma part à monsieur de La Choux, c'est que, si je ne puis le contenter, je n'ai pas contenté davantage monsieur de Fouras. Il n'a également emporté de moi que l'expression de ma bienveillance à l'égard de vos chers ouvriers français, qui peuvent tant pour le rétablissement de la foi. Comprenez donc, chez vous, qu'il est des questions de détail, de simple organisation en somme, dans lesquelles il m'est impossible de descendre, sous peine de leur donner une importance qu'elles n'ont pas, et de mécontenter violemment les uns si je faisais trop de plaisir aux autres. » Il eut un pâle sourire, où tout le politique conciliant et avisé apparut, bien résolu à ne pas laisser compromettre son infaillibilité dans des aventures inutiles. Et il but une nouvelle gorgée de sirop. Il s'essuya avec son mouchoir, en souverain dont la journée d'apparat était finie, qui prenait ses aises, qui avait choisi cette heure de solitude et de silence pour causer sans hâte aussi longuement qu'il en aurait le désir. Pierre tâcha de le ramener à son livre. « Monsieur le vicomte Philibert de La Choux a été si affectueux pour moi. Il attend avec tant d'émotion le sort réservé à mon livre, comme si cette œuvre était sienne. C'est pourquoi j'aurais été bien heureux de lui rapporter une bonne parole de votre sainteté. » Mais le pape continuait à s'essuyer, sans répondre. Je l'ai connu chez son éminence le cardinal Bergerot, un autre grand cœur, dont l'ardente charité devrait suffire à refaire une France croyante. Cette fois, l'effet fut immédiat. Ah oui, monsieur le cardinal Bergerot, j'ai lu sa lettre en tête de votre livre. Il a été bien mal inspiré en vous l'écrivant. Et vous, mon fils, bien coupable, le jour où vous l'avez publié. Je ne puis croire encore que monsieur le cardinal Bergerot avait lu certaines de vos pages quand il vous a envoyé son approbation pleine et entière. J'aime mieux l'accuser d'ignorance et d'étourderie. Comment aurait-il approuvé vos attaques contre le dogme, vos théories révolutionnaires qui tendent à la destruction totale de notre sainte religion? S'il vous a lu, il n'a d'autre excuse qu'une aberration brusque, inexplicable, impardonnable. Il est vrai qu'il règne un si mauvais esprit dans une partie du clergé français. Ce sont les idées gallicanes qui repoussent sans cesse, comme les herbes mauvaises. Tout un libéralisme frondeur, en révolte contre notre autorité, un continuel appétit de libre examen et d'aventure sentimentale. Il s'animait. Des mots d'italien se mêlaient à son français hésitant. Sa grosse voix nasale sortait de son frêle corps de cire et de neige avec des sonorités de cuivre. Que monsieur le cardinal Bergerot le sache bien. Nous le briserons le jour où nous ne verrons plus en lui qu'un fils révolté. Il doit l'exemple de l'obéissance. Nous lui ferons part de notre mécontentement. Nous espérons qu'il se soumettra. Sans doute, l'humilité et la charité sont de grandes vertus, et nous nous sommes plu toujours à les honorer en lui. Mais il ne faut pas qu'elles soient le refuge d'un cœur de rebelle, car elles ne sont rien si l'obéissance ne les accompagne pas. L'obéissance, l'obéissance, la plus belle parure des grands saints. Saisi, bouleversé, Pierre l'écoutait. Il s'oubliait. Il ne songeait qu'à l'homme de bonté et de tolérance sur lequel il venait d'attirer cette toute puissante colère. Ainsi, Don Virgilio avait dit vrai. Les dénonciations des évêques de Poitiers et d'Évreux allaient atteindre, par-dessus sa tête, l'adversaire de leur intransigeance ultramontaine. Le doux et bon cardinal Bergerot, l'âme ouverte à toutes les misères, à toutes les souffrances des pauvres et des humbles. Il en était désespéré. Acceptant encore la dénonciation de l'évêque de Tarbes, l'instrument des pères de la grotte, qui ne frappait que lui, au moins, en réponse à sa page sur Lourdes, tandis que la guerre sournoise des deux autres l'exaspérait, le jetait à une indignation douloureuse. Et, du vieillard chétif, au cou grêle d'oiseau, très vieux, buvant tranquillement son verre de sirop, il venait de voir se lever un maître, si courroucé, si formidable, qu'il en tremblait. Comment avait-il pu se laisser prendre aux apparences, en entrant, croire qu'il n'y avait là qu'un pauvre homme épuisé par l'âge, désireux de paix, résolu à tout concéder? Un souffle venait de passer dans la chambre endormie, et c'était la lutte encore, le réveil de ses doutes, de ses angoisses. Ah, ce pape! Comme il le retrouvait, tel qu'on le lui avait dépeint à Rome, tel qu'il n'avait pas voulu le croire, plus intellectuel que sentimental, d'un orgueil démesuré, ayant eu dès sa jeunesse l'ambition suprême, au point d'avoir promis le triomphe à sa famille pour obtenir d'elle les sacrifices nécessaires, montrant partout et en tout une volonté unique depuis qu'il occupait le trône pontifical. Régner, régner quand même, régner en maître absolu, omnipotent. La réalité se dressait avec une force irrésistible. Et pourtant, il se débattit, il s'entêta à ressaisir son rêve. « Oh, Saint-Père, j'aurais tant de chagrin si, à cause de mon malheureux livre, son éminence avait une seconde de contrariété. Moi, coupable, je puis répondre de ma faute. » Mais son éminence qui n'a obéi qu'à son cœur, qui n'aurait péché que par son trop grand amour des déshérités de ce monde. » Léon XIII ne répondit pas. Il avait relevé sur Pierre ses yeux admirables, ses yeux de vie ardente, dans sa face immobile d'idole d'albâtre. De nouveau, fixement, il le regardait. Et Pierre le voyait toujours. Dans la fièvre qui le reprenait, grandir en éclat et en puissance. Maintenant, derrière lui, il s'imaginait voir s'enfoncer, au lointain des âges, la longue suite des papes qu'il avait évoquée tout à l'heure, les saints et les superbes, les guerriers et les ascètes, les diplomates et les théologiens, ceux qui avaient porté la cuirasse, ceux qui avaient vaincu par la croix, ceux qui avaient disposé des empires comme de simples provinces que Dieu remettait en leur garde. Puis, particulièrement, c'était Grégoire le Grand, le conquérant et le fondateur. C'était Sixte Quint, le négociateur et le politique, qui avait le premier entrevu la victoire de la papauté sur les monarchies vaincues. Quelle foule de princes magnifiques, de rois souverains, de cerveaux et de bras tout-puissants, derrière ce pâle vieillard immobile. Quel amas accumulé de volontés inépuisables, d'obstinés génies, de dominations sans bornes. Toute l'histoire de l'ambition humaine, tout l'effort pour soumettre les peuples à l'orgueil d'un seul, la force la plus haute qui ait jamais conquis, exploité, façonné les hommes au nom de leur bonheur. Et maintenant, même que sa royauté terrestre avait pris fin, dans quelle souveraineté spirituelle était monté ce mince vieillard, si pâle, devant lequel il avait vu des femmes s'évanouir, comme foudroyées par la divinité redoutable émanée de sa personne. Ce n'étaient plus seulement les gloires retentissantes, les triomphes dominateurs de l'histoire qui se déroulaient derrière lui. C'était le ciel qui s'ouvrait, l'au-delà qui resplendissait, dans l'éblouissement du mystère. À la porte du ciel, il tenait les clés. Il l'ouvrait aux âmes. L'antique symbole revivait, avec une intensité nouvelle, dégagée enfin du royaume salissant d'ici-bas. « Oh, je vous en supplie, Saint-Père, s'il faut un exemple, ne frappez pas un autre que moi. Je suis venu, me voici, décidé de mon sort, mais n'aggravez pas ma punition en me donnant le remords d'avoir fait condamner un innocent. » Sans répondre, Léon XIII continua de le regarder de ses yeux brûlants. Et il ne voyait plus Léon XIII, 263e pape, vicaire de Jésus-Christ, successeur du prince des apôtres, souverain pontife de l'Église universelle, patriarche d'Occident, primat d'Italie, archevêque et métropolitain de la province romaine, souverain des domaines temporels de la Sainte Église. Il voyait le Léon XIII qu'il avait rêvé, le Messie attendu, le Sauveur envoyé pour conjurer l'effroyable désastre social où sombrait la vieille société pourrie. Il le voyait avec son intelligence souple et vaste, sa fraternelle tactique de conciliation, évitant les heurts, travaillant à l'unité, avec son cœur débordant d'amour, allant droit au cœur des foules, donnant une fois encore le meilleur de son sang en signe de l'alliance nouvelle. Il le dressait comme l'unique autorité morale, comme l'unique lien possible de charité et de paix, comme le Père, enfin, qui pouvait seul faire cesser l'injustice parmi ses enfants, tuer la misère, rétablir la loi libératrice du travail, en ramenant les peuples à la foi de l'Église primitive, à la douceur et à la sagesse de la communauté chrétienne. Et cette haute figure, dans le silence profond de la chambre, prenait une toute-puissance invincible, une extraordinaire majesté. « Oh, de grâce, écoutez-moi, Saint-Père, ne me frappez même pas, ne frappez personne, oh, personne, ni un être, ni une chose, ni rien de ce qui peut souffrir sous le soleil. Soyez bon, oh, soyez bon, de toute la bonté que la douleur du monde a dû mettre en vous. » Alors, quand il vit que Léon XIII se taisait toujours, en le laissant debout devant lui, il tomba sur les deux genoux, comme s'il croulait, éperdu sous l'émotion croissante qui faisait son cœur si lourd. Et ce fut en son être une sorte de débâcle, l'amas de tous les doutes, de toutes les angoisses, de toutes les tristesses qui l'étouffaient de nouveau, qui crevaient en un flot irrésistible. Il y avait là l'affreuse journée, les morts si tragiques de Dario et de Benedetta, dont le chagrin terrifié restait sur son cœur, en un poids inconscient d'une pesanteur de plomb. Il y avait là tout ce qu'il avait souffert depuis qu'il était à Rome, les illusions peu à peu détruites, les intimes délicatesses blessées, le jeune enthousiasme souffleté par la réalité des hommes et des choses. Puis, c'était, plus profondément encore, toute la misère humaine elle-même, les affamés qui hurlaient, les mères aux mamelles taries qui sanglotaient en baisant leurs nourrissons, les pères sans travail qui se révoltaient, les poings serrés, l'exécrable misère, vieille comme l'humanité, dont celle-ci est rongée depuis le premier jour qu'il avait trouvé, partout, grandissante, dévorante, effrayante, sans espoir qu'on puisse la guérir jamais. Et c'était enfin plus immense, plus inguérissable, une douleur sans nom, sans cause précise, pour rien ni pour personne, une douleur universelle illimitée, dans laquelle il baignait et se sentait fondre désespérément. Peut-être la douleur de vivre. « Oh, Saint-Père, moi, je n'existe pas, et mon livre n'existe pas. J'ai désiré voir votre sainteté, oh, passionnément, pour m'expliquer, pour me défendre. Et je ne sais plus, je ne retrouve plus une seule des choses que je voulais dire. Et je n'ai que des larmes qui m'étouffent. Oh, je ne suis qu'un pauvre homme. Je n'ai que le besoin de vous parler des pauvres. Oh, les pauvres, oh, les humbles, que j'ai vus depuis 2 ans dans nos faubourgs de Paris. Si misérable et si douloureux, de pauvres petits que j'allais ramasser dans la neige, de pauvres petits anges qui n'avaient pas mangé depuis 2 jours, des femmes que l'aphtisie rongeait, sans pain, sans feu, au fond de taudis immondes, des hommes jetés sur le pavé par le chômage, las de quêter du travail comme on quête une aumône, retournant à leurs ténèbres, ivres de colère, avec l'unique pensée vengeresse de mettre le feu aux 4 coins de la ville. Et le soir, le terrible soir, où, dans la chambre d'épouvante, j'ai vu une mère qui venait de se suicider avec ses saints petits. La mère tombée sur une paillasse en allaitant son nouveau-né. Les 2 fillettes dormant aussi, là, leur dernier sommeil de blondine jolie. Les 2 garçons foudroyés plus loin. L'un anéanti contre un mur, l'autre renversé par terre, tordu en une suprême révolte. Oh, Saint-Père, je ne suis plus que leur ambassadeur, l'envoyé de ceux qui souffrent et qui sanglotent, l'humble délégué des humbles qui meurt de misère sous l'exécrable dureté, l'effroyable injustice sociale. Et j'apporte à votre sainteté leurs larmes, et je mets à ses pieds leurs tortures, et je lui fais entendre leurs cris de détresse, comme un cri monté de l'abîme, demandant justice, si l'on ne veut pas que le ciel croule. Oh, soyez bon, Saint-Père, soyez bon !» Il avait tendu les bras, il l'implorait, en un geste de suprême appel à la pitié divine. Puis, il continua. Et, Saint-Père, dans cette Rome éternelle et resplendissante, est-ce que la misère aussi n'est pas affreuse? Depuis 2 semaines que j'erre au hasard, dans la tente, à travers la poussière fameuse de ces ruines, je ne fais que me heurter à des maux inguérissables qui m'ont empli d'effroi. Ah! Tout ce qui expire, l'agonie de tant de gloire, l'affreuse mélancolie d'un monde qui se meurt d'épuisement et de faim. Là, sous les fenêtres de votre sainteté, est-ce que je n'ai pas vu un quartier d'horreur, des palais inachevés, frappés d'une hérédité maudite, ainsi que des enfants rachitiques qui ne peuvent aller au bout de leur croissance, des palais en ruine déjà, devenus les refuges de toute la misère pitoyable de Rome. Et comme à Paris, quelle population de souffrance étalée au plein air avec plus d'impudeur encore, toute la plaie sociale, le chancre dévorant, toléré et montré en sa terrible inconscience. Des familles entières qui vivent leur oisiveté affamées sous le soleil splendide. Les vieux devenus infirmes, les pères attendant qu'un peu de travail leur tombe du ciel. Les fils dormant parmi les herbes sèches. Les mères et les filles raillant leur paresse bavarde, flétries avant l'âge. Ô Saint-Père, dès l'aurore, demain, que votre sainteté ouvre cette fenêtre et qu'elle le réveille de sa bénédiction, ce grand peuple enfant, qui sommeille encore dans son ignorance et dans sa pauvreté, qu'elle lui donne l'âme qui lui manque, l'âme consciente de la dignité humaine, de la loi nécessaire du travail, de la vie libre et fraternelle, réglée par la seule justice. Oui, qu'elle fasse un peuple de ce ramassis de misérables, dont l'excuse est de tant souffrir dans son intelligence et dans son corps, vivant comme la bête qui passe et meurt sans savoir, sans comprendre, et qu'on roue de coups. » Peu à peu, les sanglots l'étranglaient. Il ne parla plus que secoué, emporté par sa passion. « Et, Saint-Père, n'est-ce pas à vous que je dois m'adresser au nom des misérables? N'êtes-vous pas le Père? N'est-ce pas devant le Père que l'envoyé des pauvres et des humbles doit s'agenouiller, comme je suis agenouillé en ce moment? Et n'est-ce pas au Père qu'il doit apporter l'énorme charge de leur douleur en demandant pitié enfin, aide et secours, justice? Oh, surtout justice! Puisque vous êtes le Père, ouvrez donc la porte largement, que tout le monde puisse entrer, jusqu'aux plus petits de vos enfants, les fidèles, les passants de hasard, même les révoltés, les égarés, ceux qui entreront peut-être, à qui vous épargnerez les fautes de l'abandon. Soyez le refuge des routes mauvaises, le tendre accueil offert aux voyageurs, la lampe hospitalière toujours allumée, aperçue de loin et qui sauve dans l'orage. Et puisque vous êtes la puissance, ô Père, soyez le salut. Vous pouvez tout, vous avez derrière vous des siècles de domination. Vous êtes monté aujourd'hui dans une autorité morale qui vous a rendu l'arbitre du monde. Vous êtes là, devant moi, comme la majesté même du soleil qui éclaire et qui féconde. Oh, soyez l'astre de bonté et de charité. Soyez le rédempteur. Reprenez la besogne de Jésus qu'on a pervertie au cours des siècles en la laissant entre les mains des puissants et des riches, qui ont fini par faire de l'œuvre évangélique le plus exécrable monument d'orgueil et de tyrannie. Puisque l'œuvre est manquée, recommencez-la, remettez-vous avec les petits, avec les humbles, avec les pauvres. Ramenez-les à la paix, à la fraternité, à la justice de la communauté chrétienne. Et dites, ô Père, dites que je vous ai compris, que j'ai simplement exprimé là vos idées chères, le seul et vivant désir de votre règne. Le reste, oh, le reste, mon livre, moi, qu'importe, je ne me défends pas. Je ne veux que votre gloire et le bonheur des hommes. Dites que, du fond de votre Vatican, vous avez entendu le craquement sourd des vieilles sociétés corrompues. Dites que vous avez tremblé de pitié attendrie. Dites que vous avez voulu empêcher l'épouvantable catastrophe en rappelant l'Évangile au cœur de vos enfants frappés de folie, en les ramenant à l'âge de simplicité et de pureté lorsque les premiers chrétiens vivaient comme des frères innocents. Oui, n'est-ce pas? C'est bien pour cela que vous vous êtes remis avec les pauvres, ô Père. Et c'est pour cela que je suis ici, à vous demander pitié, bonté, justice, de toute mon âme, oh, de toute mon âme de pauvre homme. » Alors, il succomba sous l'émotion. Il s'écrasa par terre dans une débâcle de gros sanglots. Son cœur éclatait et se répandait. C'étaient des sanglots énormes, des sanglots sans fin, toute une houle effrayante qui venait de son être entier, qui venait de plus loin, de tous les êtres misérables, qui venait du monde dont les veines charriaient la douleur avec le sang même de la vie. Il était là, dans sa brusque faiblesse d'enfant nerveux, l'ambassadeur de la souffrance, ainsi qu'il l'avait dit. Et, aux genoux de ce pape immobile et muet, il était là, toute la misère humaine en larmes. Léon XIII, qui aimait surtout parler, et qui devait faire un effort sur lui-même pour écouter parler les autres, avait d'abord à deux reprises levé une de ses mains pâles pour l'interrompre, puis, saisi peu à peu d'étonnement, gagné lui-même par l'émotion, il lui avait permis de continuer, d'aller jusqu'au bout de son cri, dans le désordre du flot irrésistible qui l'emportait. Un peu de sang était monté à la neige de son visage, ses lèvres et ses joues s'étaient rosées faiblement, tandis que ses yeux noirs luisaient d'un éclat plus vif. Dès qu'il le vit sans voix, abattu à ses pieds, secoué par ses gros sanglots qui semblaient lui arracher le cœur, il s'inquiéta. Il se pencha. « Mon fils, calmez-vous, relevez-vous. » Mais les sanglots continuaient, débordaient, emportaient toute raison et tout respect dans la plainte éperdue de l'âme blessée, dans le grondement de la chair qui souffre et qui agonise. « Relevez-vous, mon fils, ce n'est pas convenable. Tenez, prenez cette chaise. » Et, d'un geste d'autorité, il l'invita enfin à s'asseoir. Pierre, péniblement, se releva, s'assit pour ne pas tomber. Il écartait ses cheveux de son front, il essuyait de ses mains ses larmes brûlantes, l'air fou, tâchant de se ressaisir, ne pouvant comprendre ce qui venait de se passer. « Vous faites appel au Saint-Père. Ah, certes, soyez convaincu que son cœur est plein de pitié et de tendresse pour les malheureux. Mais la question n'est pas là. Il s'agit de notre sainte religion. J'ai lu votre livre, un mauvais livre. Je vous le dis tout de suite. » Le plus dangereux et le plus condamnable des livres, précisément par ses qualités, par les pages qui m'ont intéressé moi-même. Oui, j'ai été séduit souvent. Je n'aurais pas continué ma lecture si je ne m'étais senti comme soulevé dans le souffle ardent de votre foi et de votre enthousiasme. Ce sujet était si beau. Il me passionne tant. La Rome nouvelle. Ah! Sans doute, il y avait un livre à faire avec ce titre, mais dans un esprit totalement différent du vôtre. Vous croyez m'avoir compris, mon fils. Vous êtes pénétré de mes écrits et de mes actes, au point de n'exprimer que mes idées les plus chères. Non, non, vous ne m'avez pas compris. Et c'est pourquoi j'ai voulu vous voir, vous expliquer, vous convaincre. Muet et immobile, c'était maintenant Pierre qui écoutait. Il n'était cependant venu que pour se défendre. Il souhaitait avec fièvre cette entrevue depuis 3 mois, préparant ses arguments, certain de la victoire. Et il entendait traiter son livre de dangereux, de condamnable, sans protester, sans répondre par toutes les bonnes raisons qu'il avait crues irrésistibles. Une lassitude extraordinaire l'accablait, comme épuisé par son accès de larmes. Tout à l'heure, il serait brave, il dirait ce qu'il avait résolu de dire. « On ne me comprend pas, on ne me comprend pas. répétait Louis XIII d'un air d'impatience irritée. En France surtout, c'est incroyable que j'ai tant de peine à me faire comprendre. Le pouvoir temporel, par exemple. Comment avez-vous pu croire que jamais le Saint-Siège transigera sur cette question? C'est un langage indigne d'un prêtre. C'est la chimère d'un ignorant qui ne se rend pas compte des conditions dans lesquelles la papauté a vécu jusqu'ici et dans lesquelles elle doit continuer de vivre si elle ne veut pas disparaître du monde. Ne voyez-vous pas le sophisme lorsque vous la déclarez d'autant plus haute qu'elle est dégagée davantage des soucis de sa royauté terrestre? Ah oui, une belle imagination, la pure royauté spirituelle, la souveraineté par la charité et l'amour. Mais qui nous fera respecter? Qui nous fera l'aumône d'une pierre pour reposer notre tête? Si nous sommes jamais chassés, errants par les routes, qui assurera notre indépendance quand nous serons à la merci de tous les États? Non, non, cette terre de Rome est à nous, car nous en avons reçu l'héritage de la longue suite des ancêtres, et elle est le sol indestructible, éternel, sur lequel la Sainte Église est bâtie, de sorte que l'abandonner, ce serait vouloir l'écroulement de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine. D'ailleurs, nous ne le pourrions pas. Nous sommes liés par notre serment envers Dieu et envers les hommes. Il se tut un instant pour laisser Pierre répondre. Mais celui-ci avait la stupeur de ne rien trouver à dire, car il s'apercevait que ce pape parlait comme il devait le faire. Les choses confuses et lourdes amassées en lui, dont il avait senti la gêne tout à l'heure dans l'antichambre secrète, s'éclairaient maintenant, se précisaient avec une netteté de plus en plus grande. C'était, depuis son arrivée à Rome, tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait compris, l'amas de ses désillusions, des réalités existantes, sous lesquelles son rêve d'un retour au christianisme primitif était à demi-mort déjà, écrasé. Il venait brusquement de se rappeler l'heure où, sur le dôme de Saint-Pierre, il s'était vu imbécile avec son imagination d'un pape purement spirituel, en face de la vieille cité de gloire obstinée dans sa pourpre. Ce jour-là, il avait fui le cri furieux des pèlerins du denier de Saint-Pierre, acclamant le pape roi. La nécessité de l'argent, de ce denier esclavage du pape, il l'avait accepté. Mais tout avait croulé ensuite, quand la véritable Rome lui était apparue, la ville séculaire de l'orgueil et de la domination, où la papauté ne saurait être sans le pouvoir temporel. Trop de liens, le dogme, la tradition, le milieu, le sol lui-même, la rendaient immuables à jamais. Elle ne pouvait céder que sur les apparences. Il viendrait quand même une lettre où ses concessions s'arrêteraient devant l'impossibilité d'aller plus loin sans se suicider. La Rome nouvelle ne se réaliserait peut-être un jour qu'en dehors de Rome, au loin, et là seulement se réveillerait le christianisme, car le catholicisme devait mourir sur place lorsque le dernier des papes, cloué à cette terre de ruines, disparaîtrait sous le dernier craquement du dôme de Saint-Pierre, qui s'effondrerait comme s'était effondré le temple de Jupiter Capitolin. Quant à ce pape d'aujourd'hui, il avait beau être sans royaume, avoir la fragilité chétive de son grand âge, la pâleur exsangue d'une vieille idole de cire. Il n'en flambait pas moins de la passion rouge de la souveraineté universelle. Il n'en était pas moins le fils obstiné de l'ancêtre, le Pontifex Maximus, le César Imperator, dans les veines duquel coulait le sang d'Auguste, maître du monde. « Vous avez parfaitement vu, » reprit Léon XIII, « l'ardent désir d'unité qui nous a toujours possédés. Nous avons été bien heureux le jour où nous avons unifié le rite, en imposant le rite romain dans la catholicité entière. C'est là une de nos plus chères victoires, car elle peut beaucoup pour notre autorité. Et j'espère que nos efforts, en Orient, finiront par ramener à nous nos chers frères égarés des communions dissidentes, de même que je ne désespère pas de convaincre les sectes anglicanes, sans parler des sectes protestantes qui seront forcées de rentrer dans le sein de l'Église unique, l'Église catholique, apostolique et romaine, quand les temps prédits par le Christ s'accompliront. Mais ce que vous n'avez pas dit, c'est que l'Église ne peut rien abandonner du dogme. Au contraire, vous avez semblé croire qu'une entente interviendrait, que de part et d'autre on se ferait des concessions. Et c'est là une pensée condamnable, un langage qu'un prêtre ne peut tenir sans être criminel. Non, la vérité est absolue. Pas une pierre de l'édifice ne sera changée. Oh, dans la forme, tout ce qu'on voudra, nous sommes prêts à la conciliation la plus grande, s'il ne s'agit que de tourner certaines difficultés, de ménager les termes pour faciliter l'accord. Et c'est comme notre rôle dans le socialisme contemporain. Il faut s'entendre. Certes, ceux que vous avez si bien nommés les déshérités de ce monde sont l'objet de notre sollicitude. Si le socialisme est simplement un désir de justice, une volonté constante de venir au secours des faibles et des souffrants, qui donc plus que nous s'en préoccupe, y travaille avec plus d'énergie? Est-ce que l'Église n'a pas toujours été la mère des affligés, l'aide et la bienfaitrice des pauvres? Nous sommes pour tous les progrès raisonnables. Nous admettons toutes les formes sociales nouvelles qui aideront à la paix, à la fraternité. Seulement, nous ne pouvons que condamner le socialisme qui commence par chasser Dieu pour assurer le bonheur des hommes. C'est là un simple état de sauvagerie, un abominable retour en arrière, où il n'y aura que catastrophe, qu'incendie, que massacre. Et c'est encore ce que vous n'avez pas dit avec assez de force, car vous n'avez pas démontré qu'aucun progrès ne saurait avoir lieu en dehors de l'Église, qu'elle est en somme la seule initiatrice, la seule conductrice, à laquelle il soit permis de s'abandonner sans crainte. Même, et c'est là votre crime encore, il m'a semblé que vous mettiez Dieu à l'écart, que la religion demeurait uniquement pour vous un état d'âme, une floraison d'amour et de charité, où il suffisait de se trouver pour faire son salut. Hérésie exécrable! Dieu est toujours présent, maître des âmes et des corps. La religion reste le lien, la loi, le gouvernement même des hommes, sans laquelle il ne saurait y avoir que barbarie en ce monde et damnation dans l'autre. Et encore une fois, la forme n'importe pas. Il suffit que le dogme demeure. Ainsi, notre adhésion à la République en France prouve que nous n'entendons pas lier le sort de la religion à une forme gouvernementale, même auguste et séculaire. Et si les dynasties ont fait leur temps, Dieu est éternel. Périssent les rois et que Dieu vive. D'ailleurs, la forme républicaine n'a rien d'antichrétien, et il semble au contraire qu'elle soit comme un réveil de cette communauté chrétienne dont vous avez parlé en des pages vraiment charmantes. Le pis est que la liberté devient tout de suite de la licence, et qu'on nous récompense souvent bien mal de notre désir de conciliation. Ah, quel mauvais livre vous avez écrit, mon fils, avec les meilleures intentions. Je veux le croire, et comme votre silence est bien la preuve que vous commencez à entrevoir les conséquences désastreuses de votre faute. Pierre continuait à se taire, anéanti, sentant en effet ses arguments qui tombaient un à un, comme devant une roche sourde et aveugle, impénétrable, où il devenait inutile et dérisoire de vouloir les faire entrer. À quoi bon, puisque rien n'entrerait? Il n'avait plus qu'une préoccupation. Il se demandait avec surprise comment un homme de cette intelligence, de cette ambition, ne s'était pas fait du monde moderne une idée plus nette et plus exacte. Évidemment, il le sentait documenté, renseigné sur tout, curieux de tout, ayant dans la tête la vaste carte de la chrétienté, avec les besoins, les espoirs, les actes, lucides et clairs, au milieu de l'écheveau compliqué de ses luttes diplomatiques. Mais que de trous pourtant! La vérité devait être qu'il connaissait du monde uniquement ce qu'il en avait vu pendant sa courte nonciature à Bruxelles. Ensuite venait son épiscopat à Pérouse, où il ne s'était mêlé qu'à la vie de la jeune Italie naissante. Et depuis 18 années, il se trouvait enfermé dans son Vatican, isolé du reste des hommes, ne communiquant avec les peuples que par son entourage. Souvent, le plus inintelligent, le plus menteur, le plus traître. En outre, il était prêtre italien, grand pontife, superstitieux et despotique, lié par la tradition, soumis aux influences de race et de milieu, cédant aux besoins d'argent, aux nécessités politiques. Sans parler de son orgueil immense, la certitude d'être le Dieu auquel on doit obéir, le seul pouvoir légitime et raisonnable sur la terre. De là, les causes de déformation fatale, l'extraordinaire cerveau qu'il devait être, avec ses erreurs, ses lacunes, parmi tant d'admirables qualités. La compréhension vive, la volonté patiente, le vaste effort qui généralise et qui agit. Mais l'intuition surtout paraissait prodigieuse, car n'était-ce pas elle, elle seule, qui lui faisait deviner, dans son emprisonnement volontaire, l'énorme évolution au loin de l'humanité d'aujourd'hui? Il avait ainsi la nette conscience de l'effroyable danger au milieu duquel il baignait, de cette mer montante de la démocratie, de cet océan sans bornes de la science, qui menaçait de submerger l'îlot étroit où triomphait encore le dôme de Saint-Pierre. Il pouvait même se dispenser de se mettre à sa fenêtre. Les voix du dehors traversaient les murs, lui apportaient le cri d'enfantement des sociétés nouvelles. Et toute sa politique partait de là. Il n'avait jamais eu d'autre besogne que de vaincre pour régner. S'il voulait l'unité de l'Église, c'était pour la rendre forte, inexpugnable, dans l'assaut qu'il prévoyait. S'il prêchait la conciliation, cédant de tout son pouvoir sur les questions de forme, tolérant les audaces des évêques d'Amérique, c'était que sa grande peur inavouée était la dislocation de l'Église elle-même, quelque schisme brusque qui aurait précipité le désastre. Ah, ce schisme! Il devait le sentir dans l'air, venu des quatre points de l'horizon, tel qu'une menace prochaine, un péril inévitable de mort, contre lequel il fallait s'armer à l'avance. Et comme cette crainte expliquait son retour de tendresse vers le peuple, sa préoccupation du socialisme, la solution chrétienne qu'il offrait aux misères d'ici-bas. Puisque César était abattu, la longue dispute de savoir qui de lui ou du pape aurait le peuple ne se trouvait-elle pas vidée par ce fait que le pape seul restait debout et que le peuple, le grand muet, allait enfin parler et se donner à lui. L'expérience était tentée en France, il y abandonnait la monarchie vaincue. Il y reconnaissait la République, il la rêvait forte, victorieuse, car elle était toujours la fille aînée de l'Église, la seule nation catholique assez puissante encore pour restaurer un jour, peut-être, le pouvoir temporel du Saint-Siège. Régner, régner par la France, puisqu'il lui semblait impossible de régner par l'Allemagne. régnait par le peuple, puisque le peuple devenait le maître et le dispensateur des trônes. Régnait par la République italienne, si cette République seule pouvait lui rendre Rome, arrachée à la maison de Savoie, une République fédérative qui ferait du pape le président des États-Unis d'Italie, en attendant qu'il le devînt des États-Unis d'Europe. Régner quand même, régner malgré tout, régner sur le monde, comme avait régné Auguste, dont le sang décorateur soutenait seul ce vieillard expirant, obstiné dans sa domination. « Et mon fils, continua Léon XIII, le crime, enfin, est d'avoir osé demander une religion nouvelle. Cela est impie, blasphématoire, sacrilège. Il n'est qu'une religion, notre sainte religion catholique, apostolique et romaine. En dehors d'elle, il ne saurait y avoir que ténèbres et que damnation. J'entends bien que c'est au christianisme que vous prétendez vouloir faire retour. Mais l'erreur protestante, si coupable, si néfaste, n'a pas eu d'autre prétexte. Dès qu'on s'écarte de la stricte observation des dogmes, du respect absolu des traditions, on tombe dans les plus effroyables précipices. Ah, le schisme! Ah, le schisme, mon fils! C'est le crime sans pardon, c'est l'assassinat du vrai lieu, la bête de tentation immonde, suscitée par l'enfer pour la perte des fidèles. Quand il n'y aurait que ces mots de religion nouvelle dans votre livre, il faudrait le détruire, le brûler, comme un poison mortel des âmes. Il poursuivit longtemps encore. Et Pierre songeait à ce que lui avait dit Don Vigilio, à ces jésuites tout-puissants dans l'ombre, au Vatican comme ailleurs, qui gouvernaient souverainement l'Église. Était-ce donc vrai qu'à son insu même, si imbu qu'il croyait être de la doctrine de saint Thomas, ce pape politique, d'un opportunisme toujours en éveil, était un des leurs, un instrument docile entre leurs souples mains de conquête sociale? Lui aussi pactisait avec le siècle, allait au monde, consentait à le flatter pour le posséder. Pierre n'avait jamais senti si cruellement que l'Église en était désormais réduite là, à ne vivre que de concessions et de diplomatie. Et il avait enfin la vue claire de ce clergé romain, si difficile d'abord à comprendre pour un prêtre français, de ce gouvernement de l'Église représenté par le pape, ses cardinaux, ses prélats, que Dieu en personne a chargé d'administrer ici-bas son domaine, les hommes et la terre. Il commence par mettre Dieu de côté, au fond du tabernacle, ne tolérant plus qu'on le discute, imposant les dogmes comme les vérités de son essence, mais eux-mêmes ne s'embarrassant plus de lui, ne s'amusant plus à prouver son existence par de vaines discussions théologiques. Évidemment, il existe, puisqu'il gouverne en son nom. Cela suffit. Dès lors, ils sont au nom de Dieu les maîtres, consentant bien à signer des concordats pour la forme, mais ne les observant pas, ne pliant que devant la force, réservant toujours leur souveraineté finale qui un jour triomphera. Dans l'attente de ce jour, ils agissent en simples diplomates, ils organisent la lente conquête en fonctionnaires du Dieu triomphant de demain, et la religion n'est ainsi que l'hommage public qu'ils lui rendent, avec la para, la magnificence qui gagne les foules, dans l'unique but de le faire régner sur l'humanité ravie et conquise, ou plutôt de régner en son lieu et place, puisqu'ils sont ses représentants visibles, délégués par lui. Ils descendent du droit romain. Ils ne sont toujours que les enfants de ce vieux sol païen de Rome. Et s'ils ont duré, s'ils comptent durer éternellement, jusqu'à l'heure espérée où l'empire du monde leur sera rendu, c'est qu'ils sont les héritiers directs des Césars, drapés dans leur pourpre, ligne ininterrompue et vivante du sang d'Auguste. Pierre, alors, eut honte de ses larmes. Ah, ces pauvres nerfs, ces abandons de sentimental et d'enthousiaste. Une pudeur lui venait, comme s'il s'était montré là dans la nudité de son âme, et si inutilement, grand Dieu, au fond de cette chambre où jamais rien ne s'était dit de semblable, devant ce pontife roi qui ne pouvait l'entendre. Cette idée politique des papes, de régner par les humbles et par les pauvres, lui faisait horreur. N'était-ce pas la conciliation du loup, cette pensée d'aller au peuple, débarrassé de ses anciens maîtres, pour s'en nourrir à son tour? Et il avait dû être fou, en vérité, le jour où il s'était imaginé qu'un prélat romain, un cardinal, un pape, était capable d'admettre le retour de la communauté chrétienne, une floraison nouvelle du christianisme primitif, pacifiant les peuples vieillis que la haine dévore. Une pareille conception ne pouvait même tomber sous le sens d'homme qui, depuis des siècles, vivait en maître du monde, plein d'un mépris insoucieux des petits et des souffrants, frappés à la longue d'une totale impuissance de charité et d'amour. Mais Léon XIII, de sa grosse voix intarissable, parlait toujours. Et le prêtre l'entendit qui disait « Pourquoi avez-vous écrit sur Lourdes cette page entachée d'un si mauvais esprit ? Lourdes, mon fils, a rendu de grands services à la religion. J'ai souvent exprimé aux personnes qui sont venues me raconter les touchants miracles, presque quotidiens à la grotte, mon vif désir de voir ces miracles confirmés, établis par la science la plus rigoureuse. Et d'après ce que j'ai lu, il me semble qu'aujourd'hui, les esprits malveillants ne sauraient douter davantage, car les miracles sont désormais prouvés scientifiquement d'une façon irréfutable. La science, mon fils, doit être la servante de Dieu. Elle ne peut rien contre lui, et c'est par lui seul qu'elle arrive à la vérité. Toutes les solutions qu'on prétend trouver actuellement et qui paraissent détruire les dogmes seront forcément reconnues fausses un jour, car la vérité de Dieu restera victorieuse lorsque les temps seront accomplis. Ce sont là pourtant des certitudes bien simples, ce que savent les petits-enfants et ce qui suffirait à la paix, au salut des hommes, s'ils voulaient s'en contenter. Et soyez convaincu, mon fils, que la foi n'est pas incompatible avec la raison. Saint Thomas n'est-il pas là, qui a tout prévu, tout expliqué, tout réglé? Votre foi a été ébranlée sous les assauts de l'esprit d'examen. Vous avez connu des troubles, des angoisses, que le ciel veut bien épargner à nos prêtres, sur cette terre d'antiques croyances, cette Rome sanctifiée par le sang de tant de martyrs. Mais nous ne craignons pas l'esprit d'examen. Étudiez davantage, lisez à fond saint Thomas, et votre foi reviendra plus solide, définitive et triomphante. » Effaré, Pierre recevait ces choses comme si des morceaux de la voûte du firmament lui fussent tombés sur le crâne. Oh, Dieu de vérité, les miracles de Lourdes prouvés scientifiquement, la science servante de Dieu, la foi compatible avec la raison, saint Thomas suffisant à la certitude du siècle. Comment répondre, ô Dieu, et pourquoi répondre? Le plus coupable et le plus dangereux des livres, finit par conclure Léon XIII, un livre dont le titre, La Rome nouvelle, est à lui seul un mensonge et un poison, un livre d'autant plus condamnable qu'il a toutes les séductions du style, toutes les perversions des chimères généreuses. Un livre, enfin, qu'un prêtre, s'il l'a conçu dans une heure d'égarement, doit brûler en public. par pénitence, de la main même qui en a écrit les pages d'erreur et de scandale. » Brusquement, Pierre se leva, tout debout, et, dans le silence énorme qui s'était fait autour de cette chambre morte, si pâlement éclairée, il n'y avait que l'arôme du dehors, l'arôme nocturne, noyée de ténèbres, immense et noire, semée seulement d'une poussière d'astre. Et il allait crier. C'est vrai, j'avais perdu la foi, mais je croyais l'avoir retrouvée dans la pitié que la misère du monde m'avait mise au cœur. Vous étiez mon dernier espoir, le père, le sauveur attendu. Et voilà que c'est un rêve encore. Vous ne pouvez être de nouveau Jésus, pacifier les hommes à la veille de l'affreuse guerre fratricide qui se prépare. Vous ne pouvez laisser là le trône, venir par les chemins avec les humbles, avec les pauvres, pour faire l'œuvre suprême de fraternité. Eh bien, c'en est fini de vous, de votre Vatican et de votre Saint-Pierre. Tout croule sous l'assaut du peuple qui monte et de la science qui grandit. Vous n'êtes plus, il n'y a plus ici que des décombres. » Mais il ne prononça point ces paroles. Il s'inclina et dit « Saint-Père, je me soumets et je réprouve mon livre. » Sa voix tremblait d'un amer dégoût. Ses mains ouvertes eurent un geste d'abandon, comme s'il avait lâché son âme. C'était la formule exacte de la soumission. Auctor laudabiliter se subjecit, et opus reprobovit. L'auteur louablement s'est soumis et a réprouvé son œuvre. Rien ne fut d'un désespoir plus haut, d'une grandeur plus souveraine dans l'aveu d'une erreur et dans le suicide d'une espérance. Mais quelle affreuse ironie! Ce livre qu'il avait juré de ne retirer jamais, pour le triomphe duquel il s'était battu si passionnément, et qu'il reniait, qu'il supprimait lui-même tout d'un coup, non pas parce qu'il le jugeait coupable, mais parce qu'il venait de le sentir inutile et chimérique comme un désir d'amant, un rêve de poète. Ah oui, puisqu'il s'était trompé, puisqu'il avait rêvé, puisqu'il ne trouvait là ni le Dieu, ni le prêtre qu'il avait voulu pour le bonheur des hommes, à quoi bon s'entêter dans l'illusion d'un impossible réveil? Plutôt jeter son livre à la terre comme une feuille morte, plutôt le renier, le retrancher de lui, tel qu'un membre mort, désormais sans raison ni usage. Un peu surpris d'une si prompte victoire, Léon XIII eut une légère exclamation de contentement. « C'est très bien, mon fils. Vous venez de dire les seules paroles sages qui convenaient à votre caractère de prêtre. » Et, dans son évidente satisfaction, lui qui n'abandonnait jamais rien au hasard, qui préparait chacune de ses audiences avec les mots qu'il dirait, les gestes qu'il ferait, il se détendit un peu, il montra une bonhomie véritable. Ne pouvant comprendre, se trompant sur les vrais motifs de la soumission de ce révolté, il boutait la joie orgueilleuse de l'avoir si aisément réduit au silence, car son entourage lui avait fait de lui un portrait de révolutionnaire terrible. Aussi, une telle conversion le flattait-elle beaucoup. D'ailleurs, mon fils, je n'attendais pas moins de votre esprit distingué. Reconnaître sa faute, en faire pénitence, se soumettre, il n'y a pas de jouissance plus haute. D'un geste familier, il avait repris sur la petite table son verre de sirop. Il s'était remis, avant de le boire, à en tourner la dernière gorgée avec la longue cuillère de vermeil. Et Pierre était surtout frappé de le retrouver, ainsi qu'au début, l'air réduit, déchu de sa majesté souveraine, pareil à un petit bourgeois très vieux qui buvait solitairement son verre d'eau sucrée avant de se mettre au lit. La figure, après avoir grandi et rayonné comme un astre qui monte au zénith, venait de retomber à l'horizon, au ras du sol, dans son humaine médiocrité. Il le revoyait chétif, frêle, avec son cou mince de petit oiseau malade, avec sa laideur sénile, qui le rendait si difficile pour ses portraits, toiles peintes ou photographies, médailles d'or ou bustes de marbre, disant qu'il ne fallait pas faire le pape Pecci, mais Léon XIII, le grand pape, dont il avait l'ambition de laisser à la postérité une si haute image. Et Pierre, qui avait cessé de les voir un instant, était de nouveau gêné par le mouchoir resté sur les genoux, par la soutane malpropre tachée de tabac. Et il n'éprouvait plus qu'une pitié attendrie pour tant de vieillesse pure et toute blanche, qu'une profonde admiration pour l'entêtée puissance de vie qui s'était réfugiée dans les yeux noirs, qu'une déférence respectueuse de travailleur pour le large cerveau au vaste projet, si débordant de pensées et d'actions sans nombre. L'audience était finie. Il s'inclina profondément. « Je remercie votre sainteté du paternel accueil qu'elle a daigné me faire. » Mais Léon XIII voulut bien le retenir encore une minute, en lui reparlant de la France, en lui disant son vif désir de la voir prospère, calme et forte, pour le plus grand bien de l'Église. Et Pierre, pendant cette dernière minute, eut une singulière vision, une véritable hantise. En regardant le front d'ivoire du Saint-Père, tandis qu'il songeait à son grand âge, au moindre rhume qui pouvait l'emporter, il venait, par un involontaire rapprochement, de se rappeler la scène d'usage d'une grandeur farouche. Pie IX, Giovanni Mastai, mort depuis 2 heures, le visage couvert d'un linge blanc, entouré de la famille pontificale bouleversée. Puis le cardinal Pecci, camerlingue, s'approchant du lit funèbre, faisant écarter le voile, tapant 3 fois de son marteau d'argent sur le front du cadavre, en jetant chaque fois le cri d'appel « Giovanni, Giovanni, Giovanni !» Et le cadavre n'ayant pas répondu, le camerlingue se tournait, après avoir patienté quelques secondes, disait « Le pape est mort. » Pierre, en même temps, avait vu se dresser là-bas, rue Giulia, le cardinal Boccanera, le camerlingue qui attendait, avec son marteau d'argent. Et il s'était imaginé Léon XIII, Joachim Pecci, mort depuis 2 heures, le visage couvert d'un linge blanc, entouré de ses prélats, dans cette chambre même. Et il voyait le camerlingue qui s'approchait, faisait écarter le voile, tapait 3 fois sur le front d'ivoire, en jetant chaque fois le cri d'appel « Joachim, Joachim, Joachim !» Puis, le cadavre n'ayant pas répondu, il se tournait après avoir patienté quelques secondes, il disait « Le pape est mort !» Léon XIII, s'en souvenait-il des 3 coups qu'il avait donnés sur le front de Pie IX, et sentait-il parfois à son front la crainte glacée des 3 coups, le froid mortel du marteau dont il avait armé le camerlingue, l'implacable adversaire qu'il savait avoir dans le cardinal Boccanera? « Allez en paix, mon fils, » dit enfin sa sainteté comme bénédiction dernière. « Votre faute vous sera remise, puisque vous l'avez confessée et que vous en témoignez l'horreur. » Pierre, sans répondre, l'âme en détresse, acceptant l'humiliation comme le châtiment mérité de sa chimère, s'en alla à reculons, selon le cérémonial d'usage. Il s'inclina profondément à 3 reprises, il franchit la porte sans se retourner, suivi par les yeux noirs de Léon XIII qui ne le quittait pas. Pourtant, il le vit reprendre sur la table le journal dont il avait interrompu la lecture pour le recevoir. Ayant gardé le goût de la presse, une curiosité vive des nouvelles, bien qu'il se trompât souvent sur l'importance des articles, au fond de son isolement, donnant à certains, sur certains points, une gravité qu'il n'avait pas. Les deux lampes brûlaient avec une douce clarté immobile. La chambre retomba dans son grand silence et dans sa paix infinie. Au milieu de l'antichambre secrète, M. Squadra, debout, immobile et noir, attendait. Et comme il constata que Pierre, éperdu dans son étourdissement, passait en oubliant son chapeau sur la console où il l'avait laissé, il prit discrètement ce chapeau, le lui tendit, avec une muette révérence. Puis, sans hâte aucune, du même pas qu'à l'arrivée, il se remit à marcher devant lui pour le reconduire à la salle Clémentine. Alors, ce fut, en sens inverse, la même immense promenade, le défilé sans fin au travers des salles interminables. Et toujours pas une âme, pas un bruit. Dans chaque pièce vide, l'unique lampe, solitaire et comme oubliée, charbonnait, brûlait plus pâle dans plus de silence. Le désert semblait s'être élargi à mesure que la nuit avançait, noyant d'ambre les rares meubles, épars sous les hauts plafonds dorés, les trônes, les escabeaux de bois, les consoles, les crucifix, les candélabres, qui se répétaient à chaque salle nouvelle. Et ce fut ainsi, après l'antichambre d'honneur dont le damas rougeoyait, la salle des gardes nobles, endormie dans une légère odeur d'encens, qu'une messe dite le matin y avait laissée. Ce furent la salle des tapisseries, la salle de la garde palatine, la salle des gendarmes, et, dans la salle des Bussolanti, qui suivait, le dernier domestique de service, resté sur la banquette, s'y était assoupi, d'un si bon sommeil qu'il ne s'éveilla point. Les pas sonnaient faiblement sur les dalles, étouffés dans l'air morne de ce palais clos, muré de partout, ainsi qu'une tombe, envahi à cette heure tardive d'un néant qui le submergeait. Enfin, ce fut la salle Clémentine que le poste de la garde suisse venait de quitter. Jusqu'à cette salle, M. Squadra n'avait pas tourné la tête. Toujours muet, sans un geste, il s'effaça, laissa passer Pierre, qu'il salua d'une dernière révérence. Ensuite, il disparut. Et Pierre descendit les deux étages de l'escalier monumental que les globes dépolis des becs de gaz éclairaient d'une lueur de veilleuse, dans un accablement extraordinaire du silence, depuis que les pas des gardes suisses en faction ne retentissaient plus sur les paliers. Et il traversa la cour Saint-Damas, vide et morte, sous la pâle clarté des lanternes du perron, descendit la Scala Pia, l'autre escalier géant, aussi vide, aussi mort, dans sa demi-obscurité, franchit enfin la porte de bronze qu'un portier derrière lui roula et ferma d'une poussée lente. Et quel grondement, quel cri farouche de dur métal sur tout ce que cette porte enfermait là! Tant de ténèbres entassées, tant de silences accrus, les siècles immobiles que la tradition y perpétuait, les idoles indestructibles des dogmes conservées sous leurs bandelettes de momies, toutes les chaînes qui pèsent et qui lient, tout l'appareil d'étroits servages, de domination souveraine, dont les échos des salles désertes et noires renvoyaient le formidable retentissement. Sur la place Saint-Pierre, au milieu de cette immensité sombre, il se retrouva seul. Pas un promeneur attardé, pas un être. Émergeant de la vaste mosaïque du petit pavé gris, rien que la haute apparition de l'obélisque blême entre les quatre candélabres. La façade de la basilique s'évoquait, elle aussi, d'une pâleur de rêve, élargissant, pareils à deux bras énormes, les quadruples rangées de piliers de la colonnade, noyées d'obscurité, ainsi que des futaies de pierre. Et rien autre. Le dôme n'était qu'une rondeur démesurée, devinée à peine dans le ciel sans lune. Seuls les jets d'eau des fontaines, qu'on finissait par distinguer comme de grêles fantômes mouvants, mettaient là une voix, un murmure sans fin de tristes plaintes, venues on ne savait de quelles ténèbres. Ah ! La mélancolique grandeur de ce sommeil ! Toute cette place fameuse avec le Vatican, avec Saint-Pierre, vue la nuit, noyée d'ombre et de silence. Et soudain l'horloge sonna 10 heures d'une cloche si lente et si forte que jamais heure plus solennelle, plus définitive, n'avait semblé tomber dans plus d'infini noir et insondable. Pierre, immobile au milieu de l'étendue, avait tressailli de tout son pauvre être brisé. Et quoi ? Il n'avait causé là-haut que 3 quarts d'heure à peine avec le blanc vieillard qui venait de lui arracher toute son âme. Oui, c'était l'arrachement final, la dernière croyance arrachée de son cerveau, de son cœur saignant. L'expérience suprême était faite. Un monde en lui avait croulé. Tout d'un coup, il songea à Monsignor et Nanny, en réfléchissant que celui-là seul avait eu raison. On lui disait bien qu'il finirait quand même par faire ce que voudrait Monsignor et Nanny, et il avait maintenant la stupeur de l'avoir fait. Mais un brusque désespoir le saisit. Une détresse si atroce que, du fond de l'abîme de ténèbres où il était, il leva ses 2 bras frémissants dans le vide, il parla tout haut. « Non, non, vous n'êtes point ici, ô Dieu de vie et d'amour, ô Dieu de salut. Mais venez donc, apparaissez, puisque vos enfants se meurent de ne savoir ni qui vous êtes, ni où vous êtes dans l'infini des mondes. » Au-dessus de l'immense place, le ciel immense s'étendait, de velours bleu sombre, l'infini muet et bouleversant, où palpitaient les constellations. Sur les toitures du Vatican, le chariot semblait s'être renversé davantage. Ses roues d'or, comme déviées du droit chemin, son brancard d'or, en l'air. Tandis que là-bas, sur Rome, du côté de la rue Giulia, Orion allait disparaître, ne montrant déjà plus qu'une seule des 3 étoiles d'or qui chamarrait son baudrier.